de dialogue et de partage. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Passez un excellent week-end d'Euro. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Forme en compagnie de Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. La panne de courant qui a perturbé les activités de l'aéroport de Zaventem depuis 6h ce matin, eh bien les équipes techniques ont finalement détecté son origine. Tous les systèmes ont été relancés à présent et la tour de contrôle n'a pas été touchée par cette panne. C'est l'enregistrement des passagers, des bagages ainsi que les contrôles aux frontières qui n'étaient plus possibles. Des vols sont toujours retardés. Le retour à la normale va prendre un peu de temps. La grève des éboueurs dans la région de Mons et du centre. Les agents de l'intercommunal des déchets IGEA ont finalement décidé de reprendre le travail. Décision prise ce matin en assemblée générale. Les parcs à conteneurs rouvriront demain samedi. La reprise des collectes est programmée dès lundi. À Charleroi, les travailleurs de l'intercommunal ICD ne sont pas en grève, mais ils vont mener une opération escargot avec leur camion poubelle ce midi. Une délégation sera reçue par les autorités communale. Grève ou pas grève dès dimanche soir à la SNCB, la CGSP cheminots se réunit ce matin. Les syndicats revoient la direction du rail cet après-midi avec toujours sur la table la hausse de la productivité et les jours de récupération. Dans les prisons, les agents d'Inan ont décidé de reprendre le travail mercredi. Ceux de Nivelles avaient déjà décidé de reprendre le service dès lundi. D'autres assemblées sont prévues aujourd'hui et après le week-end dans chaque établissement pour décider quelle suite donner au mouvement. Hier, le Premier ministre Charles Michel a fait savoir que les négociations étaient terminées. Quelques 200 détenus vont bénéficier d'une semaine de congé supplémentaire en raison de cette grève. Fin mai, certains avaient déjà bénéficié d'un congé pénitentiaire d'une quinzaine de jours sous conditions. Évidemment. L'événement du jour, c'est bien sûr le coup d'envoi de l'Euro de football avec le match France-Roumanie en ouverture à 21h au Stade de France. Un Euro placé sous haute sécurité, un Euro sur fond de conflit social également dans l'Hexagone. Les autorités ont promis d'assurer l'acheminement des supporters pour le match d'ouverture ainsi que le ramassage des ordures à Paris en dépit du conflit social qui écorne pas mal l'image du pays en ce moment. Malgré la grève aussi dans les chemins de fer, des navettes spéciales de trains de banlieue entre Paris et le stade ont été mises en place. Et puis on a déjà noté des incidents cette nuit à Marseille entre supporters français et anglais. Deux d'entre eux ont été placés en garde à vue. Quelques 250 supporters anglais éméchés ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. La météo, profitez des derniers rayons de soleil avant un week-end maussade et le retour de la pluie. Le temps va rester sec cet après-midi, maximale de 18 à 23 degrés. RTBF Mobile Info, Caroline Gigley, un accident sur la Nationale 81. Exactement, dans le sens Aubange-Arlon, dans le rond-point de Messancy, le passage est difficile dans les deux directions. C'est une information communiquée par la communauté Coyote. Des ralentissements dans un chantier sur le 411 Namur-Luxembourg à hauteur de Sterpenich. On a des files depuis Arlon. Vous perdez une dizaine de minutes en direction du Grand-Duché. Un objet encombrant toujours sur le 411, mais dans l'autre sens, Luxembourg-Namur à hauteur d'Ondelange. Voie de droite neutralisée par des pièces métalliques. Soyez vigilants en direction de Namur. Véhicule en feu sur la Nationale 56, Nîmes-Hatt à hauteur de Nîmes. Le passage est difficile dans les deux sens. 1 km de file en direction de Mons, 1,5 km de file en direction d'Hatt. Et puis dans le centre de la capitale, ça coince encore dans le tunnel Léopold II en direction du Midi. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle fin de matinée avec toute l'équipe des Pigeons. Merci Marianne, retour de l'info à midi. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolveau. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour les filles, puisqu'il y a que des filles autour de la table. Bonjour Charlie. Tous les mecs sont déjà à l'euro. C'est dingue, le cliché de fou ici. À propos d'euro, tiens, on va en parler dans cette émission. Il y en aura dans le journal La Conso de l'euro. Oui, je vais vous dire, partez en vacances. Ne regardez pas l'euro, c'est surtout pour ça que je vous parle de l'euro, moi. D'accord. Mais oui, parce qu'il y a moyen de faire de bonnes affaires. Ah ouais. Et à propos d'euro, Bah, on va faire un petit quiz, Anne-Laure. Oui, vous êtes prêts à jouer? À fond, et... évidemment. Eh bien, super. Il y a des petites infos conso derrière cet événement, évidemment, incroyable qu'est l'Euro 2016. On n'a rien fait, mais la police nous rejoindra. Olivier Bogart de la Computer Crime Unit viendra nous parler d'une nouvelle arnaque sur Internet. Il y a une fenêtre qui s'ouvre sur votre ordinateur et qui propose de le nettoyer s'il est infecté. Eh bien, figurez-vous que c'est tout l'inverse qui se passe. Caramba. Dans l'heure, on ira manger du chocolat aussi avec un chocolatier, Edouard, qui vient de Florentville, un passionné de chocolat et de son histoire. Ah oui, vraiment, vous allez voir. C'est... Oui. Bah, c'est de la radio, donc les gens ne vont pas voir. On va leur décrire. Et nous, on va surtout manger une belle personne, comme on dit. Quel métier difficile on fait. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Si vous voulez de la musique, ça tombe bien, il y en a aussi. Le nouveau Chris Cab dans vos oreilles, ainsi qu'Olivier Dillon. Avec l'extrait de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Voilà le programme des prochaines minutes. Vivacité, ça on n'est pas des pigeons, c'est jusqu'à 13h. Et bienvenue tout le monde. Vivacité avec le titre This Girl. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. On va commencer ce courrier des auditeurs et des téléspectateurs, courrier du jour, en revenant, Aurore, sur les frites dont Carlo nous parlait, c'était mercredi. Oui, André nous a expliqué sur la page Facebook qu'il avait goûté les meilleures frites du monde en Australie. Je me rappelle ça. Et souvenez-vous, donc hier, dans le courrier des lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, etc., André nous proposait d'envoyer Carlo en Australie, carrément pour connaître la recette de ces fameuses frites. Alors un autre André lui a répondu sur la page Facebook, c'est pour ça qu'on vous en reparle aujourd'hui. En fait, elles sont très croustillantes, à la limite, elles ont l'aspect pané. À Sydney, j'ai demandé via le personnel de se renseigner en cuisine. Elle serait cuite à la poêle dans l'huile de truffe. Hein? Je n'y crois pas. Carlo va sûrement trouver la réponse. On va le mettre sur le coup. On veut la réponse avant de partir en vacances. On est d'accord? Avant la fin du mois, on veut la réponse. Pourquoi? Quel est le secret des frites australiennes? On est d'accord. Quelques réactions aussi au sujet du voyage en Corse que notre journaliste Valérie Mailly a fait pour 150 euros pour 3 jours. C'est le budget qu'on lui avait fixé. Il a déjà fait la Norvège. Knock. C'est pas simple. Il était à Paris. Il y a eu plusieurs destinations comme ça. Et ici, on a terminé le parcours avec la Corse. 150 euros, 3 jours et 2 nuits. Oui, il a dépensé un peu plus. Hein. Oui. Oui, et Véronique nous demande à quelle période est parti votre journaliste. Parce que je doute qu'en juillet et en août, le billet d'avion soit toujours de 96 euros. Eh bien là, si tu t'y prends longtemps à l'avance, Véronique, tu l'auras 96 euros. Mais il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Il faut prendre 6 mois à l'avance. Ouais. Mais sinon, il y a le bon plan de Johan aussi. En juillet, en août, l'hébergement est plus cher en Corse. Si vous comptez voyager, il faut louer un véhicule et c'est un budget. Par contre, vous trouverez de bons petits restos aux auberges avec menu du terroir pour une vingtaine d'euros. Mai et juin sont les meilleurs mois pour visiter la Corse. Le maquis est en fleur, c'est magnifique. C'est un peu tard pour mois de mai. Pour l'année prochaine. Et comme ça, vous réservez vos billets à l'avance et vous les payez encore moins cher. Plusieurs messages également concernant la tarte au riz. Ah oui, quel scandale. Oui, menacée, hein, parce que la tarte au riz est fabriquée avec du lait cru et conservée à température ambiante. Or, l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, n'aime pas trop ça. Du coup, c'est un petit peu comme l'histoire du fromage de Herve. On se mobilise et ça donne des commentaires aussi comme celui de Marie-Claire ou de Catherine qui défendent notre tarte au riz sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. C'est vrai que si on ne le fait pas là, t'imagines, on voit pas où on va le faire. Qu'est-ce qu'on fera le dimanche à 4h chez Nénène si on ne peut plus manger de tarte au riz? Mais on mangera de la tarte au sucre. Ah. Celle-là, on pourra peut-être un jour aussi nous l'enlever en disant qu'elle n'est pas conservée dans des conditions suffisamment hygiéniques. On va terminer avec une réflexion à laquelle on n'avait jamais pensé. Oui, alors c'est Fumble Kitty Cat qui nous fait remarquer qu'Hubert, hier dans son sujet sur le pique-nique, nous a parlé du rosé toujours bien frais. Oui. Et je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame, mais Fumble Kitty Cat donc a mis chaque lettre en majuscule. Et quand vous faites bien attention, donc rosé toujours bien frais, ça fait quoi? RTBF. Ah bah oui, bah écoutez, voilà. Tout s'explique. Et ça, c'est drôle. N'hésitez pas à continuer réaction, commentaire sur la page Facebook. Je rappelle que jusque ce soir, vous pouvez nous demander un t-shirt parce qu'on lance une grande opération. Si vous partez en vacances, emmenez un t-shirt. On n'est pas des pigeons dans vos bagages. Vous envoyez un mail à pigeon@rtbf.be. Vous embarquez le t-shirt, vous vous photographiez sur votre lieu de villégiature, qu'il soit en Belgique ou ailleurs, et vous postez votre photo sur la page d'On n'est pas des pigeons. On a besoin de vos coordonnées complètes, évidemment, votre adresse. Postale et tout. Et c'est important. pigeon@rtbf.be. Et puis on s'arrête ce soir parce que c'est des centaines de demandes. On en reçoit plein, c'est super agréable. C'est vrai que c'est super gay. Jean-Jacques Goldman arrive. Et puis on se fait un petit quiz, Anne-Laure, quiz qui concerne. Devinez quoi, ça commence aujourd'hui, c'est... Le foot. Oui, bien joué. Chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour savoir s'il faut 3 ou 5 minutes pour un œuf à la coque quand même. Mais chérie, ils ont les meilleurs conseillers. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, mon amour. Ça bouge. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions printemps à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. À l'euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme les brochettes de bœuf origine Belgique en 3+1 gratis. Et il vous reste encore une semaine pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Votre chien ou votre chat se lèche les babines? Normal, il revient du magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Les études montrent que pour être convaincant, un spot radio automobile doit répéter la marque 6 fois. Sauf pour Audi. Il suffit de rappeler que pendant les Audi Days, les conditions sont exceptionnelles. Comme sur l'Audi Q3 Spring Edition avec plus de 4300 euros d'avantage. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. Grande braderie chez O'Green, de jeudi à dimanche, toute la journée. Profitez de moins 20 à moins 50% sur tous les articles en stock. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions en magasin. Jardinerie O'Green à Saint-Georges, autoroute 242 sortie 5. Ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche.

on va jouer, on est vendredi. Oui. Attention, la police nous argent. Olivier Bogarde va jouer aussi. On parlera d'arnaque sur Internet tout à l'heure avec lui. Pourquoi vous avez peur, dites-nous. Le cuisse, tout ça. Oh, oui, ça va bien se passer. Pas vous n'irez pas en prison Olivier, pour autant, Olivier. Bon, la Belgique, évidemment, joue lundi contre l'Italie. Non. La Belgique gagne lundi. On espère bien. On sera devant notre télé, à défaut d'être dans le stade à Lyon, au stade des Lumières. On va voir si vous avez un petit peu suivi tout ce qui tourne autour de l'euro. Avec une première question. Ce que je vous propose, c'est que chaque fois, vous me faites une proposition. Si vous ne trouvez pas, je vous en fais quatre et vous me donnez la bonne. D'accord. Okay, l'euro est une aubaine pour les constructeurs de télévision, figurez-vous. Parce que chez nous, Samsung compte doper ses ventes de télé à cette occasion. De combien de pourcents, à votre avis? Alors, à cette période-ci, les gens achètent probablement plus de télé. Proposition 30%. 12, vous dites 30%. Moi, j'en dis 50. Ouais. Et Sébastien? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. 45. Et la bonne réponse est 16%. Donc ah, vous avez ouais. 16% quand même. Mais ils sont ravis, hein, parce que Samsung avait commandé une étude qui a montré que 77% des Belges ont l'intention de suivre l'euro à la télévision, soit à la maison, soit avec des amis. Donc voilà, on profite de son salon à cette occasion-là. Deuxième question, il faut savoir que 7 employeurs belges sur 10 pressentent une forte baisse de productivité sur le lieu de travail au lendemain des matchs des Diables Rouges. Alors, quel conseil leur donne une célèbre société de recrutement qui s'appelle Robert Half? Un conseil pour les employeurs. Pour les patrons, pour les responsables RH, ils leur donnent un conseil. Employer des intérims le lendemain des matchs? Non. Je ne sais pas. Vous arrivez à 10h, mais vous partez à 18h. C'est Olivier qui a le point, clairement. En fait, ils ont proposé de dire aux employés qu'ils travaillent bien toute la journée, ils sont concentrés, mais ils peuvent partir plus tôt pour regarder les matchs de foot. D'accord, voilà, donc, c'est cool. Oui, ce serait quand même sympa que tous les employés puissent terminer une heure plus tôt. Et aussi, on leur a conseillé d'éviter de mettre des réunions tôt le matin, le lendemain des matchs. Ceci ne conseille pas les gens qui travaillent dans l'administration. De toute façon. Parce que dans le secteur public, un peu plus de 79% des responsables RH s'attendent à ce que le nombre d'absences augmente le lendemain. Augmente encore plus. Et on rigole parce qu'on travaille dans le service public aussi. Hein. Mais voilà, évidemment, on se moque de nous-mêmes. L'UEFA avoue avoir dépensé, donc on a la troisième question, et pour l'instant, il n'y a qu'Olivier qui a marqué un point. L'UEFA avoue avoir dépensé 650 millions d'euros pour l'organisation de l'Euro 2016, mais combien espère-t-elle gagner, l'UEFA? Au moins trois fois ça. Oui, je dirais 1,5 milliard. 1,5 milliard, ouais, tout le monde. Oui, je dirais 1,5 milliard aussi. 1 milliard. 1 milliard, ok. Moi, je disais oui, 1,5 milliard. Bon, le point est pour Sébastien et Aurore, ça fait un point partout, c'est magnifique. C'était 1,9 milliard quand même, d'accord. Un peu plus d'1,5 milliard. Pour info, en fait, la France, elle aura nettement moins de recettes parce qu'on se dit, tiens, le pays organisateur, du coup, ils vont rafler pas mal de choses. En fait, ils espèrent avoir 1,2 million, mais ce chiffre est vraiment incertain parce qu'ils ont tellement de dépenses, notamment pour la sécurité, et Olivier est bien placé pour le savoir, ils doivent mettre en place tellement de services de sécurité qui savent aussi que ça va leur coûter très cher cet euro 2016. Je suis gentleman, le point c'est pour Euro parce qu'elle a dit trois fois plus et ça s'approche plus d'1,9 milliard. D'accord, donc vous êtes 100 points. Je suis 100 points. C'est pas grave, une quatrième question si on a le temps. Je vais me refaire, on a le temps. Voilà, super. Alors, qu'a fait un jeune français pour avertir sa femme du comportement qu'il adopterait durant l'Euro 2016, à votre avis? Un clip vidéo sur YouTube en reprenant une chanson célèbre. Excellent, vous l'avez tous vu, mais on va l'écouter pour le plaisir. Ah, du cabaret, là. Entre nous, tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro, c'est parti, je préfère te prévenir. Tu vas sûrement te dire, c'est qu'un match, ça va, mais remballe ton sourire, car l'euro dure un mois, on va plus sortir. C'est clair, au moins. Ah, c'est très clair. Prévenir. C'est très, très clair. Il chante bien, en plus. Mais oui. À la bière. Seul ou avec tous mes amis, je vais me nourrir à la bière dès midi et au chips aussi. Ah ben voilà. Au moins c'est très clair. Le menu de l'Euro 2016, c'est clair. Moi je trouve ça très très drôle. En tout cas, cette histoire. Vous voulez une dernière question? Allons-y. Oui, allons-y. Allez, c'est pas vraiment conso, mais on va voir si vous avez suivi de près notre équipe des Diables Rouges. Les joueurs de quatre équipes en fait de l'Euro 2016, dont la Belgique, ont une particularité. Laquelle? Les joueurs de quatre équipes de l'Euro 2016 ont une particularité. La Belgique en fait partie. C'est quoi cette particularité? Alors là, la multiculturalité. Est-ce que ça a un rapport avec les coiffes? Rien du tout. Ils ont tous des salaires indécents, mais alors, genre que c'est indécent. Je vous fais quatre propositions. Oui. Soit ils ont une majorité de célibataires, soit des salaires de plus de 10 millions par an, voilà. Soit une moyenne de taille inférieure à 1m75, soit une moyenne d'âge inférieure à 26 ans. Ouais, je dis non, c'est 26 millions. La moyenne. Non, moi je dis que c'est le pognon. C'est une histoire de pognon. C'est une histoire de pognon. Ouais. L'âge. Bah, c'est Olivier Bogart qui est le grand gagnant de ce quiz. Ouais, je suis désolée. Bah, écoutez, en effet, c'est l'âge. Hein. Ils ont tous une moyenne d'âge. Enfin, la moyenne d'âge est inférieure à 26 ans. Donc, on a dans notre équipe de très jeunes joueurs. Ouais. Et c'est le cas aussi pour l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse qui sont dans le même cas de figure. Par contre, en Irlande, c'est tous des vétérans. Ils ont tous plus de 30 ans. Ah bah ouais, c'est bien aussi. Donc, voilà. C'est que des gamins qui gagnent une blinde d'argent que c'est indécent. Et ça va courir pendant un mois sur les terrains de foot, à voir évidemment sur la RTBF. On marque une pause, il y aura côté musique Chris Cab. Et puis dans le journal de la Canson, on va vous dire que pendant l'Euro, faut partir en vacances. C'est peut-être une bonne idée. Week-end de porte ouverte les 11 et 12 juin chez votre concessionnaire Lana. Trois nouveaux modèles à découvrir. Lana, choisissez parmi 5 marques. Boulevard Zénogramme 33 à Herstal. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. France-Roumanie à suivre en direct ce vendredi soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otari, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Nouveau Opel Renier, votre nouveau concessionnaire Opel à Soumagne. Choisissez Opel Renier. Vous avez tout. Ce samedi chez Bricot, tout sera à moins 20% pendant les deux premières heures d'ouverture. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Bricot. Pour les makers, Bricot. Plus de télé, c'est plus d'ambiance. Uniquement demain chez Mediamarkt, c'est la folle affaire. Offrez-vous une Smart TV LG 49 pouces Ultra HD pour 522€ seulement, soit une économie de 277€. Rendez-vous vite en magasin ou sur Mediamarkt.be, car après-demain, c'est trop tard. Mediamarkt, je ne suis pas fou. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. nouveau Chris Cab sur Vivacité avec un titre anglais que je peux maîtriser sans trop de problèmes parce que c'est facile à dire. Badabing. Tu vois, hein? Badabing. Pas trop d'efforts de prononciation sur ce coup-là. C'est enfin, marrant parce qu'il y a badaboum badabing. Aussi chez eux. Eh ben, oui, c'est vrai. Ils se sont pas concertés. Prochain, ce sera Patatras. C'est le mot de passe de qui, ça? Patatras. Je sais pas qui va sortir le morceau Patatras, mais on l'attend avec impatience. Direction le centre Perex, Caroline Gillet, comment ça se passe? Bien, ça se passe plutôt bien sur les routes depuis ce matin, c'est même assez calme. On a néanmoins cet accident qui s'est produit sur la Nationale 81 au bord Jarlon. C'est dans le rond-point de Messancy, le passage est donc difficile dans les deux sens. Des ralentissements dans un chantier sur le 411 Namur-Luxembourg, on a des files depuis Arlon. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction du Grand-Duché et puis encore quelques ralentissements à Bruxelles dans le tunnel Léopold II en direction du Midi. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Direction la presse du jour, on va la feuilleter ensemble. Alors ceux qui n'ont pas vu les articles concernant l'euro, soit ont des problèmes de vision, ou ont les doigts qui collent. Mais on en parlait absolument partout, notamment dans le groupe Sud Presse qui se pose cette question, reste-t-il encore des places? Ah oui, et pour ceux qui s'y prennent au dernier moment, la réponse est oui, mais il faudra mettre le prix. Ah, tu m'étonnes. Il faut savoir que les premières places ont été mises en vente il y a un an, et depuis plus de 2 millions de tickets ont déjà été écoulés, toujours est-il qu'il reste des places, donc je vous le disais. Même pour le match d'ouverture de ce soir au Stade de France, France-Roumanie, prix des places qui reste pour ce soir, l'idée 100 euros. Combien? Allez, 200. Combien? 350. Combien? 400. 395 euros, exactement. Sinon, ah ouais. Il reste aussi quelques places pour le match Allemagne-Ukraine du 12 juin, 145 euros. Même prix pour Portugal-Islande le 14 juin. Pour Irlande du Nord-Allemagne, le 21 juin, ça descend à 105 euros. Pareil pour Espagne-République tchèque le 13 juin. Si vous dites ça reste quand même un petit peu cher, 100 euros pour aller voir du foot. J'y connais rien en foot, mais c'est pas des affiches extraordinaires, j'ai l'impression. Ah bah attendez, parce qu'il y a encore pire. 25 euros, ça c'est la place la moins chère que vous pouvez encore trouver. Ouais. C'est pour Pays de Galles, Slovaquie. Ce sera ce samedi à Bordeaux. Et puis si je peux, attention aux sites qui proposent des tickets de revente. Il y a plein de faux sites. Et on a eu le cas il y a deux semaines. C'est les vrais. Non, mais c'est vrai que tu fais bien, Olivier, de parler de ça, parce qu'on a eu le cas ici il y a deux semaines avec une dame qui avait acheté des places sur un site de seconde main. Bah, c'était pas des bons tickets. Enfin, il y avait des problèmes là-derrière. Et donc, si vous achetez des tickets en seconde main, faites-le via les organisations officielles. C'est possible, mais il faut aller sur les sites officiels. Et là, il n'y aura pas de problème. On poursuit notre revue de presse. Je le disais, tout le monde parle de l'euro, mais dans la DH, on nous invite à partir en vacances. Oui, d'abord un chiffre, 26% des francophones ont adapté leur départ en vacances en fonction de l'euro. C'est quand même formidable. D'accord. Quand même, tu pars quand en vacances? Moi, je sais pas, je dois calculer en fonction de l'euro. Ça dépend des diables rouges. Aussi. Mais le vrai bon plan, c'est profitons de l'euro pour bénéficier de vacances moins chères ailleurs. La Grèce, la Turquie, les Caraïbes offrent des réductions, j'arriverai record pour le moment. Jetair et Sunjet.be proposent par exemple 59 000 offres spéciales. Ah ouais? Donc ça fait quand même un paquet, dont 6 000 avec des réductions de 40%. Et on peut même avoir plus de 50% pour 650 destinations. Mais c'est un bon plan. Pendant que monsieur est en France pour l'euro, madame peut aller aux Caraïbes. Bah, tranquille, oui. Tranquille. Et pas cher en plus. Et pas cher. On termine avec une solution assez surprenante dans la presse qui concerne l'asthme chez les enfants. Oui, acheter un animal de compagnie à votre enfant. Une vaste étude menée en Suède montre qu'un enfant qui a grandi en contact avec un chien ou avec des animaux de la ferme présente 52% de risque en moins d'avoir de l'asthme. Ça, c'est pour les enfants en âge d'être scolarisés. En dessous de 3 ans, ça descend à 30%, mais ça reste quand même un bon chiffre. Un contact régulier avec les micro-organismes des animaux améliore et renforce les capacités respiratoires et le système immunitaire des enfants. L'asthme est la première maladie chronique chez les enfants en Belgique et dans le monde. Chez nous, elle touche près de 25 000 enfants.

parle quand elle lui demande d'enlever ses lunettes. C'est encore plus loin, c'est non encore, mais on arrive à la fin de la chanson, bah. Là. On l'aurait raté. Bah, zut. Non, oh, bah, attends, là. Je serais déçu. Là, oui, c'est là. Attends. Ah oui, attention. Il est l'heure de dormir maintenant. Attention. Enlève tes lunettes. Yeah. Après, c'est enlève ta chemise, ta culotte, la totale, mais ça ne nous regarde pas. Laurent, lève ta culotte. Mais... Laurent Voulzy, mes nuits sont qui moelle, c'était en 86. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Allez, cette semaine, on évoque avec vous la mésaventure d'une auditrice qui s'est fait piéger en croyant protéger son ordinateur, Olivier. Voilà, elle était en train de naviguer des fenêtres qui apparaissaient sur son navigateur, justement. Et l'une de ces fenêtres lui propose une solution pour venir à bout de toutes ces... de tous ses soucis, oui. La solution Réimage, un outil qui va lui permettre d'analyser son ordinateur, de détecter les logiciels malveillants, etc. etc. Et de les dégager. Exactement. Bon, c'est peut-être pas ça qui s'est passé. L'auditrice en question, c'est Sophie, elle est avec nous en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette histoire ? Mais après avoir installé donc le produit de Réimage, j'ai constaté que mon antivirus Norton Security ne tournait plus. Donc j'ai contacté Réimage pour voir ce qui se passait, si c'est dû à l'installation de leur produit. Ils m'ont dit non, pas du tout, mais nous allons vous transférer vers quelqu'un qui va pouvoir analyser ça. Ah, c'est à ce moment-là qu'on vous a fait prendre contact avec la société d'experts Safecart Tech Life Connect. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous proposaient ? Ben de me couvrir, enfin, moyennant paiement. Je vais réfléchir évidemment, mais que j'avais une sécurité, une protection de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord, et c'était un paiement qui était de combien ? Pour un an, c'était 349,99 €. Ah ouais ? Quand même, ah, pas mal. Ah oui, mal. Oui. Alors que vous aviez un système qui protégeait déjà, hein, on est d'accord. J'avais plusieurs systèmes. Voilà. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est... La première chose qu'ils ont fait, c'est éliminer tous mes systèmes de protection. Ok. Et j'ai réagi, j'ai dit que je voulais garder Norton. Mmh. Et j'ai gardé Norton, forcément. J'ai tout remis en route par après. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être une arnaque là derrière ? Mais en fait, ils m'ont vendu un soft qui me démontrait toutes les intrusions qu'on essayait de faire sur mon PC. J'ai vu défiler quelque chose sur mon écran. Donc il avait pris le contrôle de votre ordinateur, là ? Tout à fait. En attendant, ça vous a coûté 300 € cette histoire. Non, c'est 3,99 €. C'est un soft complémentaire. Et là-dessus, j'ai réagi. Je dis, mais vous m'enlevez tous mes produits de sécurité et vous voulez me réinstaller un autre. Oui, mais avec celui-là... Vous serez plus tranquille. Voilà. D'accord. Et il a fonctionné une fois. J'ai voulu, par sécurité, je l'ai fait tourner. Enfin, j'ai voulu le faire tourner un certain jour et ça n'a plus fonctionné. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Olivier Bogart ? Et donc après, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez... J'ai essayé d'avoir Safecart en ligne, car il y avait un numéro. Oui. Impossible de les avoir. J'ai envoyé un mail également, demandant en urgence qu'ils me contactent, puisque j'avais un service de 24 heures... Sur 24, exactement, 24 oui. Et 7 jours sur 7. Et donc, j'ai jamais eu de réponse. Ah, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de réponse. Et c'est à ce moment-là que vous avez été en contact avec moi, on va le préciser, et que vous avez, à ce moment-là, sur mon conseil, été dans la zone de police de votre domicile, et que vous avez été déposé plainte. Et vous avez déposé plainte. C'était peut-être le truc le plus intelligent. C'est quoi ce logiciel, Olivier ? Alors, en fait, le logiciel, dans le langage informatique, c'est ce qu'on appelle un ROG. En fait, c'est un logiciel qui va automatiquement générer des messages qui ont pour but d'inquiéter le propriétaire de la machine, sur laquelle il va s'installer, et donc vous allez voir de multiples fenêtres publicitaires, ou alors des... alors qu'il est censé vous protéger, ou d'autres fenêtres qui vous alertent et tout. L'idée, c'est évidemment de vous pousser à installer de nouvelles solutions, d'ouvrir le portefeuille systématiquement, et donc on vous propose des solutions qui sont toujours plus attractives, comme on l'a entendu ici avec Sophie. On vous dit oui, vous aurez une garantie, une intervention 24 heures sur 24, etc. etc. Et en fait, c'est que le problème, le logiciel en question, en outre étant installé, puisqu'ils savent le contrôle à distance, ils peuvent aussi collecter plein d'informations sur votre ordinateur. Oui, ils sont maîtres de votre machine. Exactement. Dans ces cas-là, la plainte à la police, c'est le seul truc à faire ? La plainte, oui, parce qu'en fait,

musicale Les Trois Mousquetaires, c'était Olivier Dion avec De Mes Propres Ailes. Des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose. C'est pas très bon. C'est même très mauvais. Oh, dites, vous avez vu tout ce qu'on a. Alors là, lui, il se tient pas, lui. Olivier Bogart de la police. Il a déjà commencé. En flagrant délit, mon vieux. Tu vas finir à Guantanamo. En flagrant délit. Non, je dans le chocolat. Édouard Bréchoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chocolatier. Vous venez de Florentville. Et vous êtes un véritable passionné de chocolat. Oui, j'adore ça. Beaucoup. Et quelle idée de se lancer dans le chocolat et d'en faire sa profession, un jour? C'est arrivé un peu par hasard, puisqu'au départ, j'ai fait l'école hôtelière. Mm-hmm. Quand on est en hôtellerie, évidemment, on fait les entrées, les plats, les desserts. Je préférais les desserts petit à petit. Donc après l'école hôtelière, j'ai refait pâtisserie, chocolaterie. Et dans la pâtisserie, chocolaterie, ben, je préférais le chocolat. Donc voilà. Et vous êtes même parti en Italie. Hein, oui, j'ai passé pas mal de temps. Je devais rester un an ou deux, je suis resté 7 ans et demi. Et ça, c'est assez étonnant parce que nous sommes quand même les spécialistes du chocolat, les Belges. Mais en fait, il y a une vraie tradition, et vous nous en avez parlé quand on vous a rencontré, Edouard, il y a une vraie tradition du chocolat dans le nord de l'Italie. Ah, mais ça, c'est quoi? Dans le Piémont, notamment. Je l'ai découvert en vivant là-bas. Parce qu'au départ, on sort de la Belgique, on est très fiers, on est Belges, on est chocolatiers, donc c'est très bien. Et en fait, l'Europe, en général, a une longue histoire autour du cacao. Depuis que le cacao est arrivé en Espagne, les pays qui faisaient du commerce avec l'Espagne, évidemment, ont découvert aussi le cacao. Donc les Médicis faisaient beaucoup de commerce avec l'Espagne. Donc la Toscane a une histoire très ancienne. Et le Piémont, puisque le Piémont, la famille de Savoie, faisait beaucoup de business avec la famille de Médicis. Alors je ne sais pas avec quoi vous êtes venu. Il y a des chocolats, il y a des macarons, il y a tout. Mais là, on a de la pâte à tartiner et ici de la glace. Oui, la glace avec la glace, un chocolat. C'est une vraie tuerie, hein. On dirait un sorbet presque, la glace. Mais j'ai appris la glace vraiment en vivant là-bas parce que apprendre une glace, c'est aussi une philosophie. Je veux dire, là-bas, c'est un rafraîchissement. On ne mange pas une glace pour avoir un dessert. Ça peut se manger à 11h du matin pour se rafraîchir. Et je suis d'accord avec vous. Ça se mange à toutes les heures. On le vit là-bas. Elle est peu sucrée et peu crémeuse. Elle est plus, c'est presque un sorbet de chocolat, non? Mais c'est voulu parce qu'autrement, vous ne savez pas passer à table après. Ou alors, il faut imaginer que voilà, vous êtes à Sorrento. Moi, je la garde. Elle est bloquée chez moi, la glace. La pâte à tartiner, là aussi, on sent toute l'expertise piémontaise parce qu'il y a des noisettes. Qu'est-ce que vous employez comme noisette là-dedans? Alors, il y a plusieurs origines. Il y a le Piémont, mais c'est tellement rare qu'évidemment, il y a aussi la noisette turque. Mais il faut avoir quelque chose de doux en torréfaction, ça c'est important. Et puis le chocolat qu'on ajoute aussi. Hein. Donc, il y a une partie de chocolat au lait, une partie de chocolat noir. Et puis, on reste sur un bon beurre monté. Et puis voilà, c'est tout. On n'ajoute pas d'huile ni de graisse, ça ne sert à rien. Il faut simplement... Il n'y a pas d'huile de palme là. Non, pas du tout. Non, non. Voilà. Moi, Carlo, je vous laisse faire la conversation, je suis en train de goûter. Mais alors, tout, justement, puisque c'est intéressant, vous travaillez avec une base de chocolat de couverture d'origine belge, mais on sent vos petites influences, justement, un petit peu piémontaises dans votre chocolat, et pour le meilleur, et vous faites notamment un gianduja. Vous pouvez nous c'est rappeler... C'est quoi ça, le gianduja? Ben oui, justement, rappelez-nous, Edouard, ce qu'est le gianduja. Oui, en fait, il y a plusieurs histoires qui racontent l'histoire de gianduja, mais c'est vrai qu'en fait, au départ, il y a quoi dedans? C'était un personnage, au départ, il faut comprendre l'histoire. C'est-à-dire que dans le Piémont, évidemment, tout le monde connaît les noisettes maintenant qui sont bien chères, mais il faut savoir qu'il y a 120 ans, ce n'était pas du tout le cas. C'était quelque chose qui était vraiment un ersatz. Et quand les ports ont été bloqués, que le cacao n'arrivait plus dans le Piémont, les chocolatiers se sont dit qu'est-ce qu'on va avoir comme produit de remplacement, un peu comme la chicorée avec le café. Mm-hmm. Et là, ils ont mélangé les noisettes, c'est plus ou moins la même mesure qu'une fève de cacao. Ils ont torréfié ensemble, les broyés, pour avoir plus de masse. Mais comme ce n'était pas tout à fait le même goût que le cacao, ils se sont dit oulala, ça ne va pas aller. Et ils vont demander au personnage du carnaval de la ville de Turin de défiler dans la ville et de jeter ces chocolats aux gens. C'est pour ça qu'ils sont emballés. Et pour ça, créer une notoriété, la forme. Non, ça, c'est les orangettes. Il y en a pas. On est en train de tous de goûter. Et c'est pour ça qu'ils sont emballés. C'est cette forme-là. Et la forme, très en fait, c'est pour rappeler le chapeau de Napoléon. Si vous allez à Turin et vous allez dans la maison Fatish, qui appartient à M. Ferraris, en plein centre, c'est encore une des chocolateries historiques qui a été créée par M. Fatish au départ, qui était un Allemand, il y avait plus de 120 ans. Et il y a le bicorne et le tricorne. Mm-hmm. Il y a trois sortes. Donc il y a deux sortes de formes. Et vous êtes un super passionné et on n'a pas envie d'aller jusqu'en Italie parce qu'on sait qu'on peut trouver ces produits-là jusque chez vous. C'est à Florentville, mais il faut aller là-bas. Vous ne distribuez pas ailleurs. On vous trouve où exactement? Alors, autour de Florentville, il y a certaines grandes surfaces qui sont des franchisés et donc qui ont l'habitude d'avoir des producteurs locaux. Donc, c'est-à-dire, on va rester sur la région Arlon, Florentville, Luxembourg. Donc, là, on peut retrouver les chocolats d'Edouard. Virton, notamment. Un site internet aussi, peut-être, pour avoir des infos.

Urbano, le patron du retour au Sorbier, transpire à grosses gouttes. Les cartons s'entassent au milieu de son bar. Là, j'ai reçu 47 fûts de bière, 2 pompes à bière. Vous avez combien de télé ? Il y en a 6. Je le fais parce que j'aime l'événement. C'est vachement joyeux de voir les gens. Combien de personnes vous attendez pour France-Roumanie ? 200, 300. Toute l'après-midi, le téléphone il n'arrêtera pas de sonner pour demander si je passe le match. Est-ce que je réserve des places ? Et je réserve pas de place à personne. Tu veux une place, tu viens plus tôt. Et Urbano embauchera 3 serveurs supplémentaires pendant la durée de la compétition. En face, Youssouf, lui, est le patron d'un restaurant chic. Mais pour cet Euro 2016... On va se transformer en bar de sport. C'est important parce que ça représente beaucoup pour notre chiffre d'affaires. C'est une fan zone improvisée. Des écrans dans tous les bars, ça fait comme une place de village où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, ça fait du bien. Et sachez qu'un des sponsors de l'équipe de France a par ailleurs désigné 13 000 bars à travers le pays qui deviendront l'espace d'un mois les bars officiels des supporters français, avec retransmission des matchs mais aussi des animations et la présence d'anciens joueurs des Bleus. France-Roumanie à 21h et ce sera en direct sur Viva et en télévision évidemment. De longues files devant l'aéroport de Zaventem, cette fois rien à voir avec une grève ou avec les mesures de sécurité, c'est une panne générale de courant qui a paralysé une partie des activités ce matin. Plus d'enregistrement, plus de tri de bagages, plus de contrôle non plus. Tous les systèmes ont à présent pu être relancés. Anke Fransen est la porte-parole de l'aéroport. Après une heure et demie, on a vu quel était le problème, on l'a détecté, on a résolu, mais on n'a pas investigué la cause. C'est une cause accidentelle ? Pour l'instant, on n'a pas encore d'indication quelle est la cause du problème. Évidemment, on veut d'abord résoudre le problème, aider les passagers à retrouver leur vol, et puis l'investigation de la cause est bien en cours. Et quand il y a une panne comme ça, il n'y a pas un générateur de secours pour aller plus vite ? Ceci fait aussi partie de l'investigation. Pourquoi est-ce que le système de secours n'est pas démarré? Pour l'instant, on a essayé de résoudre le problème, aider les passagers à retrouver leur vol. Et maintenant, on investigue quel était le problème et quel était le problème avec le système de secours. Est-ce que la panne peut avoir quelque chose à voir avec les attentats? Pour l'instant, on est en train de détecter quel était le problème, quelle était la cause. Pour l'instant, on n'a pas d'indication que c'est lié aux attentats. La porte-parole de Zaventem avec Michel Vizer, la tour de contrôle qui n'a pas été touchée par la panne. Cela dit, le retour à la normale va prendre encore un peu de temps. Grève ou pas, la SNCB, la direction, les syndicats revoient la direction du rail cet après-midi. Toujours sur la table en négociation, le problème de la hausse de productivité et les jours de compensation, de récupération. Dans les prisons, les agents d'Inan vont reprendre le travail mercredi, se nivellent lundi. D'autres assemblées sont prévues aujourd'hui et lundi. La grève des éboueurs, c'est fini dans la région de Mons et du Centre. Les agents de l'intercommunal des déchets IGA ont décidé de reprendre le travail. Les parcs à conteneurs vont rouvrir demain. La reprise de collecte est prévue lundi. À Mons, vous allez l'entendre, c'est le soulagement. Oui, eh bien, tant mieux, hein, parce que c'est pas joli quand on doit faire venir des gens et dire ça c'est Mons. Hein. Regarde la ville de Mons comme il est combiné. Ah. Chez moi, il n'y avait pas de problème en soi puisque c'est un bureau, donc voilà. Par contre, je suis entourée de restaurateurs pour qui c'est vraiment problématique. Ça a changé quelque chose ici sur la place, ces poubelles ? Ouais, oui, vous sentez pas ? Ça pue énormément, ça sent la vieux jus de poubelle, c'est vraiment immonde. Et ce midi, des gens vont venir manger en terrasse, je sais pas comment ils vont faire. Dis-moi, ça me dégoûte alors. Le temps que ça s'arrête ? Ouais, plus que temps. Ouais. Soulagé ? Quand ça sera plus là, ouais. Tant que c'est là, non. Pour les Montois, je pense, après avoir été capitale culturelle, c'est vraiment triste pour nous que ce soit le paysage, je dirais, que les touristes ont. Des interviews réalisées par Florence Dussard à Charleroi. Les travailleurs de l'ICDI, de l'intercommunal ICDI, ne sont pas en grève, mais ils mènent une opération escargot ce midi avec leur camion poubelle. RTBF Mobile Info, de gros embarras de circulation sur la E313, Caroline Gilla. Exactement, c'est l'autoroute qui relie Liège à Anvers. Il y a des files entre Grobendonck et Womelgem. Vous perdez une demi-heure environ en direction d'Anvers. Accident sur la Nationale 81 au Bange-Arlon dans le rond-point de Messancy. On le rappelle, le passage est difficile dans les deux sens. Et puis quelques ralentissements dans le centre-ville bruxellois dans le tunnel Léopold II vers le midi. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Midi 30 les titres, 13h, le journal, ce sera avec Manu Delporte. Merci Marianne, bel après-midi. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Au programme de cette deuxième heure, Carlo va sublimer le vinaigre balsamique. Oui, il faut le sublimer car il est souvent si maltraité. C'est vrai. Et surtout, on trouve de tout. Et de rien. Et de rien, de et du grand n'importe quoi aussi. Et à tous les prix. Et à tous les prix. Heureusement que c'est pas cher le n'importe quoi. Mais heureusement que vous allez être là pour remettre un peu l'église. Grâce à moi, tout va changer. Mais oui. Je sais. Votre rapport au balsamique va changer. Et à la vie de manière générale, on est d'accord. On prendra aussi la direction de Lyon où un supporter belge a décidé de jouer les guides pour les autres supporters belges qui seront de passage dans la ville pour l'Euro. On rappelle, si ça n'a déjà été fait 15 000 fois, que les Belges jouent leur premier match ce lundi à Lyon contre qui ? L'Italie. Oui. Excusez-moi. Il y aura le tip-top des infos concon, des infos soso, puis aussi les cas résolus. Mais si vous avez des choses à nous dire, c'est aussi sur Facebook que ça se passe. Oui, hein. Sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660, le SMS... Vous savez 3063. C'est bien, hey, vous avez retenu. Hey, côté musique, il y aura Maître Gims, ça. Pas tout seul dans la chanson parce qu'il y a aïe aïe aïe aïe aïe, il y a la fille à côté sur qui il marche, parce que ça fait super mal, hein, on l'entend, c'est Sia. Et on aura aussi Indila qui fait tourner les serviettes. Ah non, non, non, non, c'est l'autre qui tourne les serviettes, elle tourne dans le vide, tout simplement. Bon allez, bon appétit si vous passez à table, on est encore ensemble avec toute l'équipe des Pigeons jusqu'à 13h. Ambassador avec Renegades. On n'est pas des pigeons. Lui aussi, c'est un renégat. Qui c'est à moi? Ouais. Non. Allez. Oh pardon, non, je me suis trompé. Peut-être. Excusez-moi, monsieur. Non. On parle de vinaigre prie. Balsamique, oui. Carlo le balsamique. Est-ce que c'est le... Alors moi, j'ai toujours entendu dire que c'était le meilleur vinaigre du monde et des environs. Non, c'est. Alors c'est... ça pourrait. Mais c'est une sorte de cadeau des dieux que l'Italie vous a offert, à part une victoire qu'il va nous offrir lundi. Mais non, t'as et donc, rien compris. Merci quoi. L'Italie. Et on dit merci, oui et non. Car au départ, le vinaigre balsamique, c'est un produit noble, ouais. Qui est produit du côté de l'Émilie-Romagne depuis 1000 ans au moins. Et c'est un procédé un peu différent de celui du vinaigre de vin. Le vinaigre de vin, on rappelle, qu'est-ce que, quand on a du vin, qui n'est pas forcément toujours du vin qui est excellent, si on le laisse à l'air libre, naturellement, il se transforme en vinaigre. Car l'état stable du jus de raisin, c'est de devenir un vinaigre. Mais donc, on fait du vin d'abord, on fait du vinaigre. Dans le vinaigre balsamique, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend du jus de raisin, on le fait concentré, comme du sirop de poire ou de pomme chez nous dans la région de Herve et de Liège. Et puis, ce sirop de raisin concentré, on va le laisser partir en fermentation alcoolique et acétique dans la foulée. Mmh. Et au final, ça donne un produit où il reste énormément de sucre et donc qui a des propriétés dites balsamique parce que c'est vraiment comme un baume. Ça, c'était né en Émilie-Romagne pendant des siècles. Mais dans les fêtes... Ah bah aujourd'hui, on trouve tout et n'importe quoi. Ben oui, on trouve tout et n'importe quoi, parce que tout simplement, il y a 20-30 ans, il n'existait que des versions de qualité. Certains industriels se sont dit, il y a peut-être un filon à exploiter, on va essayer de faire une version où on coupe le vrai vinaigre balsamique avec du vinaigre de vin. Mm-hmm. Ce sera quand même un peu bon, un peu sucré, un peu parfumé, et ça aura du succès chez les Belges. Et en effet, ça a eu du succès d'abord dans toute l'Italie, et ça a eu du succès à l'export. C'est vraiment une success story incroyable. Et ce sont pas des produits ni dangereux, ni malsains, ce sont des produits ni chers, ce sont des produits ordinaires, et l'ordinaire est devenu la norme, si vous voulez. Et donc, ce qui est un petit peu regrettable dans tout ça, c'est que le produit, même le produit ordinaire, a bénéficié d'une labellisation européenne. Donc en tant que consommateur, vous allez dans votre grande surface et vous dites « Ah, il y a des vinaigres balsamiques où il n'y a pas de label, et il y en a un, je vois IGP, indication géographique protégée. » A priori, je vais vers celui-là. A priori, je frétille et ouais. Je me dis « L'Europe s'est occupée de moi okay. et me garantit la qualité. » Sauf que, s'il y a bien une IGP qui n'a pas beaucoup de sens, eh bien c'est celle-là. C'est un peu, les producteurs locaux, ils ont obtenu un truc, pas très coercitif, qui leur permet de verrouiller un petit peu le marché. Hein, ils vont finir par donner raison aux Américains qui nous disent qu'on fait du protectionnisme avec nos appellations. Et jugez plutôt. Le raisin peut venir d'ailleurs de la région, que de la région d'Émilie-Romagne. On peut ajouter du vinaigre de vin presque autant qu'on veut. Mmh. On peut ajouter du caramel, dont le E150D, ah ouais, que cool. Anne-Laure n'aime pas du tout, et moi non plus d'ailleurs. Et on peut même faire la mise en bouteille ailleurs, genre... Tu peux exporter ta citerne de balsamique qui t'a pas coûté cher à faire, l'exporter vers la Belgique, la mettre en bouteille, comme ça, tu te casses pas trop la tête à exporter des bouteilles. Et donc, vous allez me demander... Ça sert à quoi ? Sébastien, ça sert à quoi ? Mais surtout, où est la qualité ? Mais où est la qualité ? Mais où est la qualité ? La qualité oui. existe, et elle est, et tout à l'heure, on verra une jolie petite dégustation. Ouais, non, on a fait tester ça. On a fait tester par des chefs, par des journalistes gastronomiques, et on leur a fait tester des produits très ordinaires, avec l'IGP ou pas, et des produits qui sont conçu uniquement à base de mou, donc de jus de raisin concentré. Et évidemment, les rapports de prix varient pratiquement de 1 à 100. Hein, donc on a vraiment des rapports de prix énormes, mais l'appellation ne nous aide en rien. Il y a quand même, et je termine par ça, il y a quand même une appellation qui est intéressante, c'est l'appellation vinaigre balsamique traditionnel, le mot traditionnel est important, AOP de Modène, qui est vendu que dans des bouteilles de 10 centilitres. Et ça, c'est très très rare, difficile à trouver. Je vous en ai cherché pour ce soir, j'en ai même pas trouvé ah ouais. sur la place de Bruxelles. Il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt. Ça coûte 700 euros le litre au lieu de 15-20 euros ah ouais, mais 700 le litre. Euros, ouais, 700 euros le litre. Mais tu en mets une petite goutte sur du parmesan. Alors tout à l'heure, je vous prépare une petite surprise en plateau. Vous allez déguster deux vinaigres balsamiques, ouais. un avec, l'autre sans IGP. Et on va voir un petit peu, je vais organiser la dégustation dans un sens qui devrait quand même vous surprendre un petit d'accord. peu, mais je n'en dis pas plus. 700 euros, mais alors là, t'as mal au derrière. Non mais attends, mais t'as mal au derrière si tu mets une goutte à côté, quoi. Mais hein. surtout, oh, mets-la dans ta bouche. Oui, ça c'est sûr. Mais dis donc, mais alors le prix pour une bonne bouteille, on devrait mettre alors, combien pour un bon le prix le rapport qualité-prix pour vous, c'est quoi? Le rapport qualité-prix, ce sont des produits sans caramel, sans vinaigre ajouté, qui tournent autour des

mois sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, la remarque. Notre entourage tente de nous raisonner, raisonner. Je pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Elle est pas rancunière, Sia, hein. Maître Gims, il lui explose le pied à l'enregistrement et le titre c'est Je te pardonne. Elle n'est pas rancunière. C'est une femme gentille. C'est une femme gentille. C'est une belle personne. Oui, ça c'est clair. C'est trop rare les belles personnes. Dois-je vous rappeler que l'Euro de foot commence ce soir? Dois-je vous rappeler que la Belgique ouvre son premier match? Enfin, gagne son premier match, car désolé de te le dire. Face à l'Italie, ce sera à Lyon, ce sera lundi. On prend donc la direction de Lyon. On a en ligne John Dauvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes belge? Exactement. Vous habitez Lyon? Eh oui, je suis expatrié depuis 8 ans à Lyon. Et donc voilà. Vous vous proposez, tout gentiment, alors, d'accueillir, pas chez vous, évidemment, mais dans votre ville, et de guider peut-être les Belges qui s'intéressent. Mais je peux pas tous les accueillir, effectivement. Alors voilà, moi je travaille à Lyon depuis un bout de temps, avec différents partenaires, et notamment des partenaires dans le cadre de la restauration et de l'Horeca ici à Lyon. Et avec des copains, en fait, hein, c'est devenu un peu des gens plus ou moins proches. On a décidé de montrer un peu Lyon sous un autre angle, sous une autre facette. C'est un peu la capitale de la gastronomie française aussi, Lyon, et il y a plein de bonnes choses à manger, à voir, à déguster. Et l'idée, c'était un peu de proposer à ces supporters belges qui, d'après la fédération avec laquelle on est du coup en lien aussi, vont venir en nombre. Mm-hmm. Je crois qu'on attend à peu près 20 000 Belges. Ah, attends, du monde, là, sur Lyon, c'est lundi, sûr. Lundi, je pense qu'il va y avoir une grosse déferlante rouge qui va débarquer sur Lyon, et je voulais pas me réveiller le lundi en me disant, mon Dieu, on n'a rien proposé à tous ces gens qui sont mes compatriotes et à qui j'avais envie de montrer à quel point Lyon, c'est une chouette ville. Et donc, vous proposez quoi? Alors, concrètement, on a fait une sélection de trois endroits. Alors, il y en a un qui s'appelle l'Harmonie des Vins, qui est c'est la caverne d'Ali Baba pour les amoureux de tous les vins possibles et imaginables qu'on peut rencontrer sur le territoire français. C'est vraiment ils ont une très très belle collection. Ensuite, il y a un autre établissement qui s'appelle le Gastropub. Ouais. Qui est une annexe d'un des grands restaurants lyonnais étoilés qui s'appelle Tête d'Oie, et qui lui a des écrans géants et qui permettront aux Belges qui n'ont pas eu leur ticket de pouvoir aller déguster les bières régionales et autres vins et super mets parce qu'ils font de la super cuisine, de la place à la cuisine. Donc voilà, ça se trouve juste à côté de l'Opéra. Et le troisième plan, c'est quoi? Et le troisième plan, c'est le plus chouette, c'est un ancien gagnant de Top Chef qui a ouvert un petit resto qui s'appelle Les Cinq Mains, qui se trouve dans le quartier de Saint-Georges. Alors, il faut savoir que Lyon est divisé un peu en trois parties, on va dire. Et donc, c'est dans le vieux Lyon, dans le quartier de Saint-Georges. Et là, il vous propose une formule à 19 euros, entrée, plat, dessert, au niveau rapport qualité-prix. Si on veut vous suivre, on fait quoi? Imaginons que les supporters qui nous écoutent et qui vont bientôt prendre la voiture, le train ou l'avion vers Lyon, qu'on veut suivre vos bons plans. On s'inscrit, on fait quoi? On va sur un site? Alors, on va sur un site qui s'appelle unpasdeconduite.com. Unpasdeconduite.com. C'est mon agence, ma boîte. Hein, donc, moi, je bosse dans la com. Alors, on fait pas trop d'événementiel, on est plus dans le conseil. Mais sur ce coup-là, il fallait marquer le coup. Voilà, c'est ça. Là, du coup, on a fait une petite entorse un peu à notre mode de fonctionnement. Et là, on a créé un événement sur notre site, donc unpasdeconduite.com, sur lequel vous avez absolument toutes les informations, les adresses. Il n'y a pas de réservation. Il suffit d'aller faire un tour pour avoir toutes les infos. Nous, on sera sur place. Alors, les cinq mains seront ouverts et accueilleront tous les Belges qui ont envie de découvrir cet endroit de midi à 15h. Et le gastropub, lui, sera ouvert de midi à minuit. Écoutez, c'est un bon plan. Pourquoi pas, si on va se balader dans votre coin. Merci, John Dauvin, de nous avoir parlé de ça. Et puis, bonne route à tous ceux qui vont l'apprendre ce week-end. Et mêlez l'utile à l'agréable en allant visiter Lyon. Je veux du bonheur, je veux de la joie. Qu'on m'éclate le cœur. Je t'emmène

meilleur. Et on pense aussi à ceux qui n'aiment pas le foot, croyez-moi, il y en a. Comment vont-ils gérer ce mois de folie? Ont-ils des trucs, des astuces? Ils vous les livrent à 13h. Une actualité aussi très chargée aujourd'hui sur le plan social, avec de bonnes nouvelles. La fin de la grève des éboueurs à Mons, à Liège. La reprise semble s'amorcer aussi dans les prisons. Et de moins bonnes nouvelles à la SNCB. Il faut sans doute s'attendre à la grève à partir de dimanche soir, sauf coup de théâtre. Et le début aussi d'une grève tournante de la CGSP dans chaque province wallonne. C'est Liège qui commence lundi. On fera le point de tout cela à 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux. Et vos valeurs, lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tout. Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Tu me fais tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Tu m'as fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait Avec tourner dans le vide. Tant qu'à faire tourner, autant. Et on fait tourner les serviettes. Ça, ah, ça. Voilà une bonne idée, voilà. Tiens. Ça, c'est une. Ça, côté programmation, ça change, hein, on est d'accord. On milite ? Allez, envoyez. La semaine prochaine, vous l'entendrez tous les jours. C'est vrai ? On fait comme ça. Bon, on passe à la suite, tiens. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, c'est les cas résolus pendant la semaine. Vous le savez que on peut vous aider. On peut tenter de faire évoluer les choses si vous avez un souci avec un service après-vente, avec un entrepreneur, avec n'importe quoi, un site internet qui ne répond plus. Vous pouvez nous envoyer votre petite bafouille. On donne 2-3 coups de fil et on vous résout le cas. Pas dit. En tout cas, donner des conseils. On essaye. Donner des conseils. Cette semaine, on a aidé Emmanuel. Il a acheté un lave-vaisselle Electrolux, mais un mois plus tard, le lave-vaisselle est tombé en panne. Le réparateur a trouvé une vis dans l'appareil et prétend que le client, c'est lui qui l'a mise. Et ce que dit Emmanuel, c'est que non, c'est pas à moi ce truc. En plus, c'est des vis spéciales. Ouais, en plus, voilà. La preuve, selon lui, il s'agit effectivement d'un vis qu'on trouve que sur le modèle de la machine. Un coup de fil aux représentants de la marque et tout est rentré dans l'ordre, écoutez. Vous pouvez dire à M. Emmanuel là que pour tous les inconvénients qu'il a, je vais lui échanger l'appareil pour enlever tous les préjudices et compagnie et pour je lui donne un nouveau lave-vaisselle. Avec une vis dedans? Carrément, un nouveau lave-vaisselle. Oui, bien sûr. Emmanuel. Ça fonctionne très bien au demeurant. Oui, mais je lui donne un nouveau lave-vaisselle, même à si vous voulez, la gamme supérieure. T'as vu ça? Il était chouette. Nouveau lave-vaisselle et en plus la gamme supérieure, c'était le responsable des services après-vente d'Electrolux qui est intervenu sur l'antenne. Autre affaire qu'on a pu faire avancer, c'est celle de Brigitte. Elle habite trop. C'est une rue remplie de nids de poules. Pétition signée par l'ensemble des riverains pour que les choses changent. On a demandé à l'échevin de trop en charge du dossier ce qu'il comptait faire. Une solution sera apportée d'une manière ou d'une autre pour la fin de l'année. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'elle sera restaurée, qu'ils auront une nouvelle route. Ce sera peut-être des réparations de manière... D'accord, c'est déjà pas mal. C'est difficile de réparer cette route, parce que si on ne la refait pas complètement, elle est tellement abîmée que réparer, difficile. Oui, je comprends. Mais comme je vous disais tantôt, on est tenu par une obligation de moyens, pas par une obligation de résultats. Si je fais la route et que je fais un sélec sur 10, ben, on a fait le maximum qu'on pouvait et on a sélec sur 10. Si on arrive à la faire avec un 10 sur 10, qu'on vous fait une piste de bowling, ben, tant mieux, mais je ne peux pas vous promettre. Mais par contre, la seule chose que je peux m'engager, c'est que des restaurations seront faites pour la fin d'année. On peut tenter de faire évoluer les choses, mais pour ça, il faut nous dire... De quoi vous souffrez finalement? Quel est votre mal? Quel est votre problème? Service après-vente, je le disais, ici c'est carrément la commune qu'on a interpellée, c'est peut-être un entrepreneur qui fait défaut, écrivez-nous. Oui, par exemple, par mail, l'adresse c'est pigeonpluriel@rtbf.be et vous pouvez aussi expliquer votre cas sur notre répondeur, il est accessible 24 heures sur 24 puisque c'est un répondeur. Certes. Prenez un papier, un bic, 070. 222 660. Après Julian Peretta, nous jetons un petit coup d'œil sur le tip-top de la semaine, le tip-top des infos concons, des infos soso. On va parler de glace, notamment pour l'apéro. Une glace nouvelle. Mais en plus une glace particulière. Les gars, j'ai nos places pour le foot. On sera à 2 mètres du terrain, juste devant mon grand écran. Acheter en promo chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. C'est moi, Hip. Le Diable Rouge joue contre l'Italie. Mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Porte ouverte ce week-end, dimanche compris, dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'écoquartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent la fête de la musique à Liège. Du 17 au 21 juin, c'est parti pour 5 jours de musique, 40 scènes et plus de 150 concerts gratuits. Tous les lieux et le programme sur fêtedelamusique.be. Une organisation de la ville de Liège et de PAC Liège avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province de Liège, Sabam for Culture et le soir. Turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Every beat of my heart. C'était Julian Peretta. Deep Top. Ah, qui disent les gens qui les écoutent à la radio. Mais moi aussi. Ah. Les gens qui sont juste à côté de moi. Et ah, tous les gens qui nous écoutent all over the world, all around the world via Internet. Vous savez quoi? On marque une pause pour que tout le monde puisse faire ensemble. Ah. Allez, 1, 2, 3. Ah. Ah. Merci Alexis à la réalisation. Le tip top des infos concon et des infos soso, ce qu'il ne fallait pas rater, ou presque, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la presse, un petit peu partout. On commence avec le numéro 5. Numéro 5. Alors le numéro 5, c'est un truc qui calme. C'est un site Internet qui était ouvert et qui... ça s'appelle Calorie Brand. Donc brand pour les marques, calorie pour calories. Et ils ont retravaillé toutes les étiquettes des produits que vous aimez. Genre les pâtes à tartiner qu'on connaît bien. Et au lieu de mettre le nom du... Le nom du vrai produit, ils ont mis simplement le nombre de calories en grand. En grand. Parce qu'on te dit toujours X calories par 100 grammes. Oui. Mais quand tu vois 4500 calories sur un pot de pâte à tartiner, ça refroidit. Ils ont fait ça pour plein de marques et je te jure, hein, les produits que tu les aimes moins sur le coup. Oui, on les voit différemment. Ah oui, ça, on les voit vraiment différemment. Numéro 4. Vous aimez la glace? Oui. Vous aimez un bon verre de vin? Aussi, oui. Votre rêve peut se réaliser. Aurore, là demain, si vous allez aux États-Unis grâce à la Wine Cream, Une entreprise américaine vient d'inventer la glace au vin, tout simplement. Alors, ils mélangent de la glace à des fruits et à des vins artisanaux avant de congeler le tout avec de l'azote liquide. Il faut savoir que la teneur en alcool de cette petite gourmandise, c'est quand même... grosso modo, ce qu'il y a dans un verre de rosé. Donc, tu manges ta glace avec modération quand même, parce que c'est peu. On ne rigole pas avec ça. Monsieur l'agent, je veux juste manger. C'est pas comme les pralines. Non, c'est pralines pas du tout. Mon chéri, non, là, non, c'est, hein, pas du tout, non, c'est pas du tout ça. Maintenant, pour goûter cette glace, il faut aller dans les foires au boudin de quelle région, je ne sais plus où c'est, dans le coin de Baltimore. Donc, pour l'instant, c'est commercialisé que là-bas. Mais ça va. Pourquoi ? Et tout ce qui s'invente en Amérique arrive forcément un jour chez nous. Ah, j'ai déjà goûté en Belgique un sorbet à la crique. Ah, et ? Et c'était très bon. Eh bien écoutez, si vous avez vécu une expérience aussi palpitante que celle d'horreur, dites-le nous par SMS ou sur la page Facebook. Numéro 3. Tu connais l'histoire de l'arroseur arrosé, c'était le week-end dernier. Mark Zuckerberg, c'est même le patron, le fondateur de Facebook. Eh bien, il s'est fait pirater. Ça, c'est un peu la loose. C'est con, hein. Ah oui, c'est la loose totale. C'est un le peu mec, la loose. Il s'est fait pirater. Je ne sais pas comment, mais les pirates ont mis un message sur son compte Twitter pour dire qu'ils avaient utilisé eux-mêmes les données de 100 millions d'utilisateurs. LinkedIn, le réseau social professionnel, a été piraté. Ils ont réussi à obtenir plus d'adresses et d'informations sur plus de 100 millions d'utilisateurs, et c'est grâce à ce moyen-là qu'ils ont réussi à pirater Mark Zuckerberg. Mais ils auraient pu lui faire un truc un peu plus crapuleux, genre mettre, je sais pas moi, dans une demi-heure, je serais nu. Oui, non, hein, ça c'est le truc qu'on fait à des copains qui ont laissé leur smartphone ouvert. Voilà, ou alors changer la date d'anniversaire. Ah oui, ça peut se faire aussi. Et ça c'est drôle aussi. Ça et c'est pas bien aussi. Méchant. Non, c'est pas bien méchant, effectivement. Hein. Numéro 2. C'est deux mecs qui rentrent dans un McDo. Ça commence comme une blague, hein. Oui. Et ça finit comme une blague aussi. Non, mais alors maintenant, c'est pas une blague très drôle. C'est deux mecs qui rentrent dans un McDo. On est en France. Ils sont quand même armés d'un fusil de chasse. Ils font irruption dans l'établissement. On est dans le centre commercial d'École Valentin. Ça ne vous dit rien, hein. Non. Moi non plus. Bref, tout ça pour dire que le premier tire en l'air, menace le public. C'est quand même chaud comme braquage, hein. Et le deuxième va derrière le comptoir, s'empare de la caisse. Sauf que... à table, dans le restaurant, il y a 11 membres du GIGN. C'est quand même c'est le groupe chance. D'intervention de la gendarmerie nationale. C'est les mecs en cagoule qu'on voit dans les grosses affaires, quoi. Eh ben, ils ont attendu gentiment que les mecs fassent leur braquage pour qu'il n'y ait pas de blessés et que les types ne s'affolent pas. Et puis après, bing, ils les ont interpellés, dit le procureur de la République, et à la fin du papier que j'ai trouvé dans la presse, hospitalisés, virgule, ils seront déférés devant le juge quand leur état le permettra. Donc ils se sont bien fait amocher, à mon avis. Mais quelle idée quand même. Quelle mais idée. Mais ils n'ont pas eu de chance, non, surtout. Évidemment. Vraiment pas de chance. Numéro 1. Vous aimez les vacances ? Oui. Vous aimez le bateau ? Oui. Vous allez aimer cette croisière ? La compagnie mexicaine Original Group invite l'année prochaine des clients à bord de l'Azamara Quest. C'est un bateau qui fera une croisière de 8 jours en Méditerranée. Ils partiront de Venise jusqu'à Bologne. Les plaisanciers visiteront 3 villes de Croatie, 2 villes slovaques. Jusque-là, tu vas dire classique. Ouais, le prix de la croisière, on est entre 3 et 10 000 dollars quand même, hein. Bon, mais la compagnie promet des activités intenses pour briser la glace. Une expérience de vacances pour adultes. Ah, nous y voilà. Voilà. Si votre fantasme est de partager la cabine d'un matelot, sachez, chère Aurore, que la compagnie interdit aux employés d'avoir des relations sexuelles avec leurs employés. Donc bah, c'est la première croisière haute partie sexuelle pour adultes consentants. Dingue quand même. Oh, ça va être un bazar. Non. Ça va être un bordel. J'ai pas osé, moi. En l'occurrence. Non, mais franchement, bah alors non. Et on fait pas n'importe quoi, parce qu'il n'est pas question de se balader tout nu sur le bateau. Il y a quand même des règles. Il faut être en tenue de soirée quand on va manger au restaurant. Faut pas déconner, non. Après, il y aura des activités, mais uniquement pour adultes. C'est l'année prochaine. Nous avons un an pour réserver notre billet. Opel Renier, votre nouveau concessionnaire Opel à Soumagne. Choisissez Opel Renier, vous avez tout à y gagner. Vivacité à Liège, en toute complicité, sur 90.5 FM.

repas des pigeons. On referme cette émission, on referme cette semaine sur un coup de cœur. Oui. Qui c'est? Coup de cœur de Cheetah. Cheetah? Oui. Elle est bien, Cheetah? J'espère qu'elle n'est pas con, Cheetah. Non, mais pourtant, attention à ce que vous dites. Attention. Alors, c'est un message adressé à Hubert, plus particulièrement, mais vous allez voir qu'il y a d'autres personnes concernées. Est-ce que c'est Hubert qui choisit les chroniqueuses? C'est-à-dire? Elles sont toutes charmantes et jolies. Dommage que Florence domestique s'écrolle. Mais Annie, dans son genre, elle est encore bien. Dans son genre, elle est encore bien. Ça veut dire quoi, ça? Tout ça, je peux me le permettre, c'est là que c'est mignon. J'ai 85 ans. Oh, c'est mignon. Mais c'est oui. Super mignon. Ah oui, mais si vous avez des coups là, de cœur... Là, je permets des choses. Hein. Si vous avez des... Alors, si comme Cheetah, ou si comme Tarzan, si comme tout le monde, vous avez des coups de cœur... C'est comme Cheetah. Si vous avez des choses à nous dire, vous avez le week-end sur la page Facebook, évidemment. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi faire ça via le répondeur. Hein, 070-222-660 ou envoyer un mail à l'adresse pigeon, au pluriel, @rtbf.be. Hubert et toutes les jolies chroniqueuses ce soir à la télé à partir de 18h30 avec toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons sur la une, on vous y retrouvera avec beaucoup de plaisir. La suite sur Vivacité, c'est vous, Sylvie Honoré, la vie du bon côté. Bonjour Sylvie. Bonjour Sébastien. On va s'accepter et on va aimer nos imperfections. Absolument. Avec vous. Absolument. Nous pouvons apprendre à aimer nos imperfections. C'est écrit noir sur blanc dans le Psychologie Magazine, dans leur dossier S'accepter vraiment. Comment parvenir à s'apprécier dans une société qui place la barre de plus en plus haut? Christophe André nous raconte ce que son parcours de psychiatre et pris de développement personnel et de méditation lui a appris dans l'article et dans le dossier. L'important pour lui, c'est de ne pas se résigner. Ce ne sera pas Christophe André, notre invité d'aujourd'hui, mais Diane Drory, qui est psychanalyste, Marie-Christine de Wassège aussi, qui est directrice de publication du Psychologie Magazine. Donc tous les deux seront là pour parler de ce sujet. Comment s'accepter? Comment accepter nos imperfections? Et on lit aussi dans cet article quelque chose qui rassure, à savoir que les gens qui vont bien ne sont pas forcément des gens parfaits, qui réussissent tout, qui ne font jamais d'erreurs, qui ne disent jamais de bêtises. D'ailleurs, on demande aussi à Christophe André, qui est quand même une figure très connue en matière de développement personnel. Et vous, Christophe, qu'est-ce qui vous a aidé à vous accepter? Alors, il répond, j'ai été quelqu'un de très anxieux. J'avais beaucoup de peur. Et puis, je me suis aperçu que certaines phrases, lorsqu'elles nous touchent au bon moment, quand on est comme le Bernard l'ermite, à la fois vulnérable et sur le point de sortir de sa coquille, peuvent nous faire beaucoup de bien. Et un jour, dit-il, un patient m'a confié une phrase que je lui avais dite en lui serrant la main, voilà, banalement. Une phrase très banale, d'ailleurs. Mais dite chaleureusement et sincèrement, c'est capital de prendre soin de vous. Et il avait profondément modifié sa relation à lui-même. Voilà ce qu'il dit dans son article. Et donc, on va demander aujourd'hui aux auditeurs de nous dire comment est-ce qu'ils arrivent à aimer leur imperfection. Qu'est-ce qui leur a permis peut-être de mieux aimer leur imperfection? Et encore faut-il déjà savoir de quoi on parle. Encore faut-il savoir dresser un bilan, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook de l'émission. Ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Nicolas-Xavier Ladouze que voici. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Bonne journée à tous. Le ciel se voile de plus en plus par l'ouest, mais l'impression reste belle cet après-midi. Lumineuse aussi, avec un temps sec et calme. Des températures de saison, les maxima de 19 à 20 degrés au littoral et en Ardennes, et 22 à 23 degrés ailleurs. La nuit prochaine, on va garder des minima élevés, entre 11 et 14 degrés. Le ciel va se charger encore un peu plus à l'avant de la perturbation, et quelques gouttes déjà possibles en fin de nuit, près de la frontière française. Les précipitations s'apparentant à des averses concerneront le sud du Sihan-Sambre-et-Meuse demain matin, avant de gagner également les autres région l'après-midi. Un coup de tonnerre sera possible et les maxima en légère baisse iront de 17 à 21 degrés. Pluie ou averse encore au menu dimanche et maxima en baisse d'un degré par rapport à la veille puisqu'on attend de 16 à 20 degrés. Merci d'écouter Vivacité, il est 13h. Un mois de foot, c'est parti. Paris est envahi de supporters. Il y avait la fête hier soir. Le premier match ce soir entre les Bleus et les Jaunes. Les Français affrontent les Roumains. On verra aussi ce que coûte et ce que rapporte un euro. Et ça fait du chiffre. Enfin, on verra ce que font ceux qui n'aiment pas le foot. Les poubelles seront bientôt ramassées à Mons-la-Louvière et dans les régions du centre et de Mons-Borinage. Les éboueurs ont décidé de reprendre le boulot dès lundi. Les parcs à conteneurs, eux, seront ouverts ce week-end. Est-ce la fin de la grève dans les prix?